Charles finissait par s'estimer davantage de ce qu'il possédait une pareille femme. Il montrait avec orgueil dans la salle de petits croquis d'elle à la mine de plomb qu'il avait fait encadrer de cadres très larges et suspendus contre le papier de la muraille à de longs cadres verts. Au sortir de la messe, on le voyait sur sa porte avec de belles pantoufles en tapisserie. Il rentrait tard, à 10 heures, minuit quelquefois. Alors, il demandait à manger et, comme la bonne était couchée, c'était Emma qu'il servait. Il retirait sa redingote pour dîner plus à son aise. Il disait, les uns après les autres, tous les gens qu'il avait rencontrés, les villages où il avait été, les ordonnances qu'il avait écrites. Et, satisfait de lui-même, il mangeait le reste du miroton, épluchait son fromage, croquait une pomme, vidait sa carafe, puis allait se mettre au lit, se couchait sur le dos et ronflait. Comme il avait eu longtemps l'habitude du bonnet de coton, son foulard ne lui tenait pas aux oreilles. Aussi, ses cheveux, le matin, étaient rabattus pêle-mêle sur sa figure et blanchis par le duvet de son oreiller, dont les cordons se dénouaient pendant la nuit. Il portait toujours de fortes bottes, qui avaient au coup de pied de plis épais, obliquant vers les chevilles, tandis que le reste de l'empeigne se continuait en ligne droite, tendu comme par un pied de bois. Il disait que c'était bien assez bon pour la campagne. Sa mère l'approuvait en cette économie, car elle venait le voir, comme autrefois, lorsqu'il y avait eu chez elle quelques bourrasques un peu violentes. Et cependant, Madame Bovary mère semblait prévenue contre sa bru. Elle lui trouvait un genre trop peu relevé pour leur position de fortune. Le bois, le sucre et la chandelle filaient comme dans une grande maison. Et la quantité de braise qui se brûlait à la cuisine aurait suffi pour 25 plats. Elle arrangeait son linge dans ses armoires et lui apprenait à surveiller le boucher quand il apportait la viande. Emma recevait ses leçons. Madame Bovary les prodiguait, et les mots de « ma fille » et de « ma mère » s'échangeaient tout au long du jour, accompagnés d'un petit frémissement des lèvres, chacun lançant des paroles douces d'une voix tremblante de colère. Du temps de Madame Dubuc, la première femme de Charles, la vieille femme se sentait encore la préférée. Mais, à présent, l'amour de Charles pour Emma lui semblait une désertion de sa tendresse, un envahissement sur ce qui lui appartenait. Et elle observait le bonheur de son fils avec un silence triste, comme quelqu'un de ruiné qui regarde, à travers les carreaux, des gens attablés dans son ancienne maison. Elle lui rappelait, à manière de souvenir, ses peines et ses sacrifices, et, les comparant aux négligences d'Emma, concluait qu'il n'était point raisonnable de l'adorer d'une façon si exclusive. Charles ne savait que répondre. Il respectait sa mère et il aimait infiniment sa femme. Il considérait le jugement de l'une comme infaillible et cependant, il trouvait l'autre irréprochable. Quand Madame Bovary était partie, il essayait de hasarder timidement et dans les mêmes termes une ou deux des plus anodines observations qu'il avait entendu faire à sa maman. Emma, lui prouvant d'un mot qu'il se trompait, le renvoyait assez malade. Cependant, d'après les théories qu'elle croyait bonnes, elle voulut se donner à l'amour. Au clair de lune, dans le jardin, elle récitait tout ce qu'elle savait par cœur de rimes passionnées et lui chantait en soupirant des adages mélancoliques. Mais elle se trouvait ensuite aussi calme qu'auparavant et Charles n'en paraissait ni plus amoureux ni plus remué. Quand elle eut un peu battu le briquet sur son cœur, sans en faire jaillir une étincelle, incapable du reste de comprendre ce qu'elle n'éprouvait pas, comme de croire à tout ce qui ne se manifestait point par des formes convenues, elle se persuada sans peine que la passion de Charles n'avait plus rien d'exorbitant. Il l'embrassait à de certaines heures. C'était une habitude parmi les autres, et comme un dessert prévu d'avance après la monotonie du dîner.